Vous m'attendez deux minutes. Là, le temps que le groupe se compose, je vais dire bonjour à vous. Ouais. Oui, Alima. Belzins, on est place Square Louis Michel. Ouais, c'est ça. Ouais. À tout de suite. Ouais. Yves, tu ferais quelques photos ? Hein ? Tu ferais quelques photos, toi ? Du groupe ? De... un peu de ce qu'on voit ? Je peux. Tu as envie ? Je peux faire. Parce que moi, j'enregistre. Je vais faire des photos. Donc, voilà, on va commencer tout de suite. On a beaucoup de choses... À raconter, et tout d'abord je suis allée chercher Ali Timizar qui va nous rejoindre, qui est le patron de ce bar, et plus que ça, mais je l'attends. Et donc c'est la place Louis Michel ici, qui, parce qu'avec son premier beaucoup, on a voulu ce matin vous faire un petit tour sur deux endroits dans les espaces publics pour montrer un petit peu le niveau des communs. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Voici Ali Timiza, notre ami Ali, qui est plus que la cheville ouvrière de cette histoire, qui est le patron, donc comme je disais, de l'hôtel. Restaurant, qui est le président du CIQ, c'est le comité d'intérêt de quartier. Ce sont des comités qui ont été montés il y a très très longtemps et qui sont... comment ? Il y a plus de 100 ans. Il y a plus de 100 ans, voilà. Et qui sont là pour faire remonter les désidérata un petit peu des habitants auprès des élus. Beaucoup d'entre eux, nous pensons certains, servent plus trop à cela aujourd'hui, mais ça dépend qui les dirige. Beaucoup, des individus qui les dirigent par quartier, voilà. Donc il peut y avoir si des liens qui se tissent, notamment comme ici. Oui. Et puis Ali, c'est aussi, moi je l'appelle un petit peu voilà, le chef du village, parce qu'il sait depuis longtemps nous rassembler autour de cette histoire. Nous, c'est soit des individus, moi j'habite à côté, puis j'ai beaucoup œuvré à faire connaître autrement ce quartier et surtout en parler autrement, parce que c'est un quartier entre la gare et le port qui est considéré comme un quartier de transit par les chercheurs, et on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est un quartier de passage, c'est sûr. De passage très éphémère, de circulation dans la ville, même de touristes qui ne passent hein, de la gare au port, mais qui est essentiellement sur le haut de Belzos où nous sommes, traditionnellement connu pour les populations de nord-africaines et du Maghreb depuis très longtemps. Et notamment, longtemps, cette place a été appelée la place des Chibani, qui sont ces messieurs que vous voyez à côté, tes amis, Ali, qui sont des travailleurs qui finalement ont pris place pour se retrouver, n'est-ce pas, un peu ici. Et du coup, eh bien, c'est cela, c'est ce que tu fais depuis toujours, n'est-ce pas, d'aider aussi à ces... à ces populations et d'aider aussi au niveau des lois, hein, à ce qu'il y ait des avancées. Mais on n'est pas là peut-être pour parler de ça, même si c'est un débat très intéressant et que vous pourriez en discuter avec Ali. De toute façon, elle a presque tout dit. On peut rajouter tout simplement que la place que vous voyez maintenant, telle qu'elle est, aussi peut-être propre, bon, elle est un peu aérée et tout, c'est qu'elle n'était pas comme ça il y a 3 ans, tout simplement. C'est vraiment un endroit où les gens hésitent de passer parce qu'il y avait de l'insécurité, et effectivement, il y avait beaucoup de délinquance, c'est vrai. C'est une délinquance, comme j'aime le dire un petit peu, qui n'aiment pas voir les touristes trop chargés. Alors ils essayent, quand les touristes rentrent avec voilà, un poids, alors ils préfèrent les délaisser un petit peu pour les soulager. Enfin, là c'est pour un peu pour plaisanter. Mais de toute façon, c'est vrai, c'était un quartier très difficile. Bon, les gens n'osaient plus rentrer ici. Donc bien sûr, tout le monde s'y trouvait un petit peu dans une situation difficile. D'abord, les commerçants, parce que le commerce a complètement périclité. Déjà que la situation à travers le monde, elle est ce qu'elle est. Et en plus, quand vous voyez, on stigmatise un quartier comme étant un quartier coupe-gorge, vous savez que, bon, on hésite à rentrer par là. Malgré que pour aller vers le Vieux-Port, eh bien, c'est plus facile de venir de la gare Saint-Charles, faire cette traversée, voir un petit peu tous ces gens-là, etc., que de faire le grand tour. Mais les gens font le grand tour à partir de boulevard d'Athènes, boulevard du Gommier, la Canebière, pour aller vers le Vieux-Port, parce qu'ici, c'est devenu dangereux. Et aussi, disons que les politiques ont un peu délaissé le quartier, sur le plan de la propreté aussi. Vous savez, quand vous passez ici, vous allez voir un petit peu les trucs jonchés de partout, et même les rats qui vous traversent les pieds, ben, c'est-à-dire on n'ose pas y rentrer. Donc il fallait un jour mettre le paquet, essayer de se défendre, essayer de se prendre en charge son quartier avec tout ce qu'il y a dedans. C'est ce qui a été fait par l'Association des commerçants, et c'est comme ça qu'on a commencé donc à aller vers les politiques en insistant sur donc la nécessité de revoir un petit peu ce quartier. Bien sûr, on y est passé par plusieurs étapes, c'est-à-dire discussion, sensibilisation, même pression, etc., pour effectivement réussir un petit peu à faire admettre aux politiques qu'il faut quand même voir ce quartier-là, revoir ce quartier, le réhabiliter, afin de redonner une vie à peu près convenable ici, et permettre aux touristes de passer, permettre aux commerçants aussi de s'y retrouver un petit peu sur le plan économique. On a mis trop de temps, on est passé par des périodes, par des référendums. Alors c'est peut-être là-dessus ouais. Où, juste par rapport au commun, hein, vous précisez que donc Ali, avec l'association des commerçants, comme il vous dit, à œuvrer auprès des politiques et des élus, parce qu'on est dans le périmètre d'Euroméditerranée, qui est un grand projet État, région, etc., collectivité territoriale, pour refaire une grande partie de l'arrière-port de Marseille. Et ici, c'est une place d'usage, c'est-à-dire c'est un immeuble qui a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale suite à un bombardement. Et du coup, depuis, il ne s'est rien passé jusqu'au moment où vous avez souhaité réaménager, nettoyer cette place. Et là, la Soleam, qui est l'aménageur de la ville de Marseille, a tout de suite sorti des cartons le projet d'un immeuble ici. C'est comme ça que cette mobilisation a eu lieu. Et pour vous donner un ordre d'idée de ces manières de consultation, la Soleam a sorti, donc il y avait donc cet activisme local grâce autour d'Ali, Tim Izard, etc., et de l'association des commerçants, et d'un coup, eh bien, ils ont fait une consultation, c'est-à-dire voyant qu'il y avait un petit peu une demande autre, pour remplir les cases de projets d'urbanisme, ils ont lancé un micro-sondage un mois avant finalement le deadline, en pensant que comme ça, ils pourraient cocher la case consulter. Et ça s'est fait donc ici. Et ils ne mesuraient pas finalement ce qui avait été tissé dans le quartier bien avant, autour de cette place, et pour la conserver en tant que place. Et au bout d'un mois, finalement, cette consultation a eu lieu par la Soleane, donc par vraiment l'organisme de la ville. Et il y a eu quand même l'IMERA, qui est une fondation de l'université, qui était passée par là pour travailler avec la population aussi, ce qu'est une agora, une place publique. Et il y avait aussi eu quand même d'autres collectifs, notamment des architectes, le collectif d'ETC, où on va aller tout à l'heure, donc il faut quand même leur rendre hommage, qui avait fait un aménagement temporaire ici même. Pour mettre des bancs pour répondre à la fonction première hein, de cette place qui est de s'asseoir et de discuter. Et puis tout ça a fait que le résultat de cette consultation a été à 80% pour une place et non pas pour la construction. Et là, par contre, ça a été un peu, je pense, si tu peux mieux le raconter, ils ont été un peu surpris hein, quand même. Mais dans la mémoire collective, c'est devenu le référendum populaire. Vous voyez comme ça peut se transformer aussi au fil du temps d'une consultation urbaine lambda. C'est devenu un référendum populaire dans la mémoire de tout le monde parce que c'était gagné. Et là, il n'y avait plus de construction, la construction avait pu être stoppée. Et l'autre enjeu, après, ça a été, bien sûr, autour du nom. C'est-à-dire, juste avant, c'est-à-dire pour arriver à ce référendum en question, parce qu'il y a eu plusieurs réunions, il y a eu plusieurs rencontres donc, avec les politiques, mais comme on n'arrivait pas à s'entendre, donc la décision a été prise que l'association d'occupation et le CIQ prendraient en charge eux-mêmes la réhabilitation, la réfection, donc de cette place qui était dans un état lamentable. Comment ? En créant un fonds de dotation et de promotion pour réhabiliter la place. C'est-à-dire aller récolter des moyens privés, c'est-à-dire soit financiers, soit des matériaux de construction, etc. Effectivement, au départ, ça n'a pas été pris au sérieux. Mais quand on est arrivé, on avait effectivement créé ce fonds. On a envoyé des gens à travers toutes les structures, vers les gens, etc., pour récolter un petit peu matériaux et argent. Là, effectivement, ils se sont dit non, là, il va falloir quand même venir, parce que s'ils le font eux-mêmes, ça, quand même, il y a un risque. C'est-à-dire, c'est un petit peu une, moi je dirais pas une insulte, mais presque, aux autorités, en disant comment les autorités qui n'arrivent pas à réhabiliter une place, alors que c'est les gens eux-mêmes qui se prennent en charge, ce n'est pas normal. Et c'est là, effectivement, où il a été proposé ce référendum en question, qui a été donc remporté à 80% pour la place et non pour l'immeuble. Mais dans les deux propositions qui ont été donc formulées par les autorités, c'est-à-dire place et immeuble, il est bien entendu qu'ils ont donc fait un travail mais alors extraordinaire par des gens compétents pour essayer de produire deux tableaux. Donc, mais alors, le tableau de l'immeuble, vraiment, je vous dis, il est attirant, il est formidable. Moi, je vous dis, même les gens les plus qui ne veulent pas ça, ils sont même tentés de dire, bon, maintenant, aujourd'hui, en voyant ça, on préfère l'immeuble. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même des magasins en dessous, et puis des appartements sociaux au-dessus et tout ça. Donc, ça attire. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit, moi, juste à ce moment-là, quand ils ont présenté les deux tableaux, j'ai dit, vous savez, moi qui ai été, disons, un fervent donc, de la place, mais en voyant ces deux tableaux, j'ai failli quand même plutôt prendre le côté immeuble que le côté place. C'est pour vous dire un petit peu comment ça a été fait. Et bien entendu, je reviens toujours en disant que l'immeuble a été, bien sûr, renvoyé au calendrier grec et c'est la place qui a été retenue. Oui, et puis après, alors, il y a une autre lutte. Histoire, voilà, notre lutte, merci. Parce que pendant des années... Parce que je voudrais quand même resituer le fait que ce soit maintenant un exemple de place publique qui est un petit peu galvanisé en disant c'est une belle histoire parce que ça s'appelle Louise Michel, parce que c'est la population, c'est grâce à la mobilisation de la population que ça a lieu. Certes, Mais ce qu'on voudrait dire, c'est que ça, c'est le résultat quand même de 10 ans de lutte pour arriver à ce que c'est aujourd'hui. Et ce que c'est aujourd'hui, nous, on l'appelle la place Louise Michel. Comme vous voyez dernièrement, c'est en fait le square et non la place. Pour des raisons juridiques, on ne peut pas faire place ce qui n'est pas une place, si ce n'est changer des lois, mais là, c'est compliqué. Donc, ça a été le square, peu importe, hein, finalement. Et puis, le résultat de cette rénovation de la place, qui est une place donc, d'usage où se retrouve tout le monde pour discuter, c'est ce square-là familial dont je vous ferai apprécier l'alignement baroque demandé par l'architecte des bâtiments de France, qui est symbolisé donc par cette fermeture qui aligne, qui respecte l'alignement baroque du quartier. Vous constaterez vraiment que effectivement ça relève de l'évidence hein, sur l'alignement baroque du quartier. Baroque, du style baroque. Oui, voilà. C'est ça. Qui n'est pas du tout d'époque, c'est ça qui est rigolo. Là, voilà, voilà. ABF, c'est bon. C'est en tout cas, on est bien d'accord que pour la rénovation vraiment et la présentation du square, il y a eu une consultation pour le coup à laquelle j'ai assisté au café, qui a duré une heure, je pense, ou deux, hein, une matinée. Et tout le monde a signé OK pour ça, parce que l'enjeu était ailleurs. Voilà. Et qu'au bout de 10 ans, vous voulez tellement que ça se reste en place, que la grille, pas la grille, le truc, pas le truc, pas du tout comme on veut, OK, mais on est d'accord. Et on ne voulait pas freiner, éterniser la chose. Encore 3 ans, non. Donc, grosso modo, faites ce que vous voulez, ce qui était le cas. On la conserve en place et on verra maintenant quoi faire avec ça. C'est-à-dire qu'au départ, on avait voulu, c'est-à-dire des bancs, comme ce banc qui est là, encore un de ce côté et l'autre de ce côté-là, pour permettre un petit peu même, en organisant un certain nombre de choses, qu'il y aurait des gens, des vieux, des jeunes, etc., se permettre de s'asseoir d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire faire un genre de petite place où on peut faire même faire des rencontres avec tout le monde, etc. Et de ce côté, une petite palissade à peu près, je ne sais pas moi, de 60 cm juste là, afin de permettre aux jeunes enfants de jouer de l'autre côté avec leur famille et les plus âgés, les seniors, qui pourraient donc être ici, s'asseoir et discuter comme à l'habitude. Voilà, c'est un peu ça. C'est mais ça, bien donc, sûr, les projets inclusifs comme ça du quartier, vous voyez, ont été un peu séparés, hein, plus que symboliquement aujourd'hui, mais... après, on va réouvrir peut-être un jour cet alignement. Espérons, parce que nous, ce qu'on voulait, c'était un petit peu les jeunes d'un côté et les vieux qui sont accaparés donc, de cette place depuis, depuis des années et des années. Et on voulait garder un petit peu cet aspect-là. Alors, un bien commun dans l'espace public, finalement ici, je trouvais ça intéressant, notamment par rapport à ce qui se fait. C'est fait autour du nom de cette place, Louise Michel, qui a été proposée par Ali Timizar et deux autres de ses Younes, notamment, qui est, je vais te présenter, un ancien éducateur, n'est-ce pas, du quartier. Monsieur Viré, et Monsieur Viré, l'ancien président du CIQ. Et du coup, ce nom, vous pourrez vous-même dire pourquoi vous l'avez choisi. Oui, on peut effectivement dire un mot sur ça. Effectivement, c'est-à-dire, c'est une place qui n'avait pas de nom, donc il fallait un nom. Bon, il y en avait au départ, comme il y avait beaucoup de Chibani qui s'asseyaient ici et qui discutaient, c'est des retraités, etc. Il y en a beaucoup qui avaient proposé à ce moment-là un certain nombre de personnes en disant, appelons-la place des Chibani. Mais bon... Nous, dans notre esprit, à ce moment-là, on savait que place des Chibani, moi je pense que ça ne pouvait pas passer. Les ça aurait, Chibani, étant les personnes aux cheveux blancs en arabe. Voilà, des retraités, qui ont des anciens travailleurs, qui ont pris leur retraite. Donc, comme ils ont une obligation de rester 6 mois et 3 jours ici, donc ces 6 mois, ils sont... donc tout seuls, sans leur famille, qui sont restés un petit peu dans leur pays d'origine. Donc pendant les 6 mois, il faut bien qu'ils trouvent un endroit où s'asseoir, discuter avec leurs amis, essayer de raconter un peu leurs histoires, ce qu'ils ont vécu, etc. Donc ils étaient là. Donc c'est un peu pour ça que cette place a été occupée par ces vieux-là qui n'avaient rien d'autre à faire que d'être quelque part. Donc, et c'est, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que certains ont dit que c'est les Chibaniques qui sont là, qui occupent cette place, eh bien alors essayons de l'appeler place des Chibaniques. Mais bon, à ce moment-là, il y a eu quand même des discussions entre les membres de l'association. On a réfléchi en disant que si on proposait place des Chibaniques, ça risque de ne pas passer. Donc, il vaut mieux trouver un autre nom. En effet, c'est vrai. Une femme au milieu de femmes. Il y a de ça aussi. Il y a cet humaniste là quand même qui a marqué son temps à ce moment-là par tout ce qu'elle a pu apporter à nous aussi aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, les citoyens peuvent parler, les citoyens peuvent manifester librement, les citoyens peuvent dire un certain nombre de choses sans qu'ils soient fusillés ou coupés la tête. Eh bien, moi, je pense que c'est parce que des gens comme Louise Michel et autres se sont sacrifiés déjà à ce moment-là. Parce que s'il n'y avait pas des gens là, ces gens-là à ce moment-là, moi, c'est peut-être nous qui aurions été obligés de faire, disons, cette truc en clandestin, dans la clandestinité. Alors donc, je peux dire que des gens comme ça, il ne faut pas les oublier. Des gens comme ça, il faut essayer toujours de s'inspirer de ce qu'ils ont fait pour essayer de faire continuer un petit peu cette aide, cette solidarité. Donc, cette envie, disons, de vivre libre et surtout en pensant à nos enfants et les petits-enfants pour qu'ils puissent vivre dans de bonnes conditions et libres. Voilà. C'est l'une des raisons pour laquelle, comme Louise Michel l'a fait, enfin beaucoup d'entre vous, je pense, savent ce qu'elle a pu faire en son temps, défendre donc les droits des femmes, les droits des enfants, les droits de tous ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes au risque de sa vie. Elle a même été déportée en Nouvelle-Calédonie parce que à cause de ses convictions. Dérangée. Oui, exactement. Donc, et comme elle est décédée à Marseille, voilà surtout. C'est pour ça, voilà. C'est l'une des raisons. Voilà. Oui. On a tissé ensemble autour de cette histoire de Louise Michel, liée à l'histoire aussi des luttes du quartier. On a réalisé quelque chose en commun. C'est pas encore du bien commun, mais l'inauguration de cette place officielle a eu lieu en 2018 et à cette occasion, on a mis en commun un petit peu nos actions, que ce soit le théâtre de l'œuvre, le centre social, que ce soit des acteurs particuliers comme moi qui étaient très proactifs dans le quartier, on s'est mis en commun en tout cas pour parler de cette histoire-là, la faire connaître et au-delà vouloir travailler ensemble sur continuer sur l'usage de cette place, à faire quelque chose ensemble. Voilà. Et c'est là où, même madame, vous venez faire le vendredi soir des veillées de compte avec le théâtre. Et je pense que, autant c'est pas un bien commun hein, dans le processus jusqu'ici, c'est assez classique comme fabrication, hein, disons, d'une place, même si c'est sous la pression populaire qu'elle a lieu. Mais ce qui se passe aujourd'hui, qui peut être rapproché un peu avec quelque chose d'un commun, c'est au niveau de son usage qui est aujourd'hui partagé entre des gens très, très différents. Et si ça fonctionne un petit peu, enfin on va voir hein, si ça fonctionne au-delà de la mobilisation pour l'inauguration, pour la lutte de cela, c'est aussi grâce au fait qu'il y ait le café d'Ali et bien sûr la personnalité d'Ali qui arrive à réunir derrière lui des petites tendances à chaque fois qui peuvent se crisper, se mettre en concurrence vis-à-vis des fonds publics pour avoir des activités culturelles. Et donc, il y a comme ça quelque chose qui peut aujourd'hui lisser un petit peu voilà, cela, grâce justement à Ali, qui est pour beaucoup arriver à faire que ces gens-là coexistent entre justement des Chibanis, des acteurs culturels, des acteurs sociaux. Et il y a aussi, je pense, lié ce café, son café, qui est très actif vis-à-vis de cet espace public. Il ne serait pas là où il y en aurait 10, par exemple, parce qu'après on va aller à la plaine et voir des situations différentes. Je pense que ça ne pourrait pas, vous voyez, avoir lieu. On ne ferait que passer et raconter cette belle histoire et point barre. Aujourd'hui, s'il y a moyen de faire quelque chose en commun ici, c'est aussi parce qu'il y a ces éléments-là. Il y a l'histoire même de la place qui est due vraiment à la population et tout le monde y tient. Donc des gens comme moi qui sont beaucoup investis ne lâchent pas le lieu parce qu'il y a 10 ans derrière de lutte pour y arriver. Sinon, j'aurais fait, voilà, je serais allée ailleurs aussi, regarder d'autres coins de la ville. Si je retourne là, c'est vraiment parce qu'on y a mis une partie de nous-mêmes quand même à vouloir que ça se fasse comme ça. Et puis aujourd'hui, eh bien, il y a, je pense, quelque chose à construire ensemble sur cet usage qui ne nous convient pas forcément dans son aménagement et du coup qui va être forcément détourné, voilà, un petit peu, ou en tout cas qui va être enrichi, ça c'est sûr, et ce n'est pas l'aménagement qui a été fait. Et puis parce que je voudrais quand même, et je te laisse ensuite à nouveau la parole, Ali, sur quand même autour, puisqu'on parle du café d'Ali, mais c'est quand même dans un quartier qui est sensible sur d'autres choses. Vous voyez ces étés là-bas, ça fait partie des immeubles donc qui ont été évacués depuis un an. Vous savez ce qui se passe à Marseille. Et là, immédiatement, lui, il a été mis en péril et détruit. Donc là, ça a été assez drastique au niveau de la solution. On n'a pas envisagé ni de rénovation, ni rien du tout. Et puis... oui, je te laisse reparler après. Non, et puis ce bâtiment, quand même, aussi, qui a reçu des migrants, pendant combien de temps? Deux reprises, deux années consécutives. Alors, dans des conditions quand même aussi un peu difficiles, puisque c'est un bâtiment qui était des bureaux des administratifs des collectivités. Donc, les migrants, par exemple, étaient logés dans des anciens bureaux, mais sans sanitaire, avec ce que ça veut dire par rapport aux relations qu'ils ont pu avoir avec le quartier au départ. Voilà. Donc, quand vous n'avez pas de sanitaire, vous faites quoi? Et la relation, ça facilite, n'est-ce pas, les choses vis-à-vis du quartier. Et puis après, de toute façon, ça a été aussi un centre après pour par rapport à l'hôpital de jour. Il est toujours hôpital de jour actuellement. Voilà. Ah, c'est toujours, et, ça est toujours. Ah oui, toujours, l'hôpital de jour. Par rapport au délestage de l'hôpital psychiatrique. Mais le reste, inoccupé actuellement. Hein. Voilà. C'est toujours inoccupé. Ah oui, absolument. C'est toujours inoccupé parce que... Il y a une grande partie inoccupée, oui. Ça veut dire les trois quarts. Parce qu'il est classé désormais insalubre et il y a le problème des puces, notamment... Bon. Qui ravage aussi les quartiers ici, le centre-ville. Donc, c'est. Et sur cette. Donc, il n'y a pas eu d'immeuble ici, mais désormais l'enjeu est ailleurs. Et là, il y a un projet de rénovation qui pointe son nez. Voilà, donc, à partir de maintenant. Oui, c'est pour les... Après, bon, effectivement, il y a des travaux qui vont être entrepris. Il y a cette partie-là qui va être démolie et pour donc reconstruire, faire quelque chose pour une résidence des étudiants. Voilà, c'est mais maintenant, quand... C'est une spécialité. Quand, bon, on ne sait pas, dans un an, dans 10 ans, bon, là, c'est des choses à laisser... Ça va permettre de faire du logement social, les résidences pour étudiants. C'est un peu ça. Bon, il y a juste un petit mot à dire pour essayer peut-être de clôturer ça. Ouais. Sur la rue de la Fare. Oui. C'est les restaurants. Bon, il y a les restaurants, effectivement. Ce qui concerne, il y a des restaurants actuellement. On est en train d'entreprendre un certain nombre de travaux avec, bien sûr, la mairie pour essayer de revoir un peu l'embellissement, pour revoir un peu l'hygiène, pour revoir un petit peu toute cette rue afin de la rendre beaucoup plus agréable à voir. Et surtout, au niveau des restaurants, ils font quand même une restauration un peu particulière. C'est des grillades au charbon, au feu de bois. Alors, on voudrait lui redonner un look assez particulier où il est agréable d'aller, de se restaurer, etc. Voilà. D'ailleurs, parfois, on sent actuellement... Voilà, donc ils commencent un petit peu à faire griller leur brochette. C'est, voilà, c'est... Au-delà, c'est vraiment pouvoir permettre qu'au niveau à la fois de l'hygiène, de la consommation, ils soient dans les règles. Parce que s'il y a rénovation de la rue, forcément, l'ensemble de ces petits commerçants de rue leur a assuré un avenir intégrer, disons, des futurs projets demande une préparation et de pouvoir les mettre un petit peu plus en règle avec ce qui pourrait advenir pour anticiper d'éventuelles modifications plus drastiques pour la rue, quoi, et pour garder, faire avec l'existant, comme on dit, pour garder ces commerçants-là dans les futurs projets. Là où je veux. Voilà. Je peux avoir la parole de Dominique. Mais oui, je me fais la porte-parole du Théâtre de l'Œuvre. Et nous fonctionnons déjà en commun, grâce à Ali, qui nous a ouvert ses portes. Alors, on vient évidemment le dernier vendredi du mois faire une soirée conte, on se relaie, mais pas que. Avec Sarah et Emma, on vient ici aussi. On demande aux personnes de nous de raconter leur vie, de dire comment tous leurs sentiments, etc. Et elles en font des spectacles, elles en font des choses merveilleuses. Ouais. Voilà. Ouais. Très bien. Merci. Ouais, c'est important aussi. Oui, c'est bien. Le culturel est là aussi. Et on est très très bien reçu parce que moi, il m'est arrivé de glaner. Hein. Et on est toujours très bien reçus par les messieurs et les personnes qui sont là. La seule difficulté, c'est qu'il n'y a pas souvent de femmes. Ah ben, voilà. C'est-à-dire, alors on leur court derrière. Mais en même temps, on a un homme femme cette place. Du coup, c'est un peu ça, c'est que ça commence un petit peu à reprendre vie. Il y a des femmes maintenant qui rentrent, qui viennent, qui s'attablent parfois. Et pour, tout simplement parce que pendant très très longtemps, comme on vous parlait tout à l'heure, il s'agit là de retraités surtout, des anciens travailleurs, de retraités qui ont occupé ou qui occupent un petit peu ce quartier-là. Donc ils sont tout seuls, leur famille étant dans leur pays d'origine. Donc quand on vient ici, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre que, en fin de compte, des gens. C'est-à-dire, mais il n'y a pas de femmes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a jamais eu de femmes. Donc les femmes hésitent un petit peu à aller s'attabler et elles hésitent même parfois à passer ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait tout pour essayer de revoir un petit peu et de faire venir un petit peu ces familles, ces femmes, etc. pour que ce quartier devienne un petit peu un quartier agréable. Voilà, c'est un peu ça. C'est l'enjeu de mes actions, moi, dans le quartier, en dehors, parce que je ne suis pas là pour ça, mais... juste pour les biens communs, mais c'est vrai que j'amène des groupes de femmes ici à parler, à chanter sur des chants de la liberté autour de Louise Michel, autour de l'histoire de Louise Michel, pour en parler et pour dire combien la démocratie d'un pays se mesure à la place des femmes dans l'espace public. Et ça, je le dis dans tous les cafés de Belzunce avec des femmes, et notamment c'est entendu, et il est entendu également l'histoire de cette femme, ce qu'elle a fait. Il est entendu aussi ses rencontres dans des temps historiques au bagne entre les premiers, puisque Louise Michel avait rencontré au bagne de Nouvelle-Calédonie El Mokrani, qui est un des premiers Kabyle à avoir lutté contre le colon français en Algérie, en même temps exactement que la commune. Donc c'est tout ça qui se raconte dans le quartier, c'est tout ça qui fait petit à petit que les choses changent et que les femmes viennent. C'est vrai que moi j'y rentrais il y a 10 ans, nous étions très peu, même si nous étions toujours très bien accueillis. Et on nous regardait un petit peu bizarrement, et aujourd'hui ce n'est pas le cas. Moi je constate en 10 ans la grande différence. Et la grande différence, elle arrive aussi de certains aménagements dont vous avez certainement parlé, puisqu'il y a un tiers-lieu qui s'est ouvert avec 40 associations culturelles non loin de là, Coco-Belten. Et c'est ces aménagements-là qui sont, pour la mairie, et etc., susceptibles de modifier, si vous voulez, les, voilà, tout ce qui va se faire dans ces quartiers. Le passage qui permet d'aller voilà. De la porte d'Aix à ici, sans faire tout le tour. C'est un peu des fois... Ça va se rétablir. Mais peut-être ça va changer de mairie. Absolument. Espérons. Ça va s'établir. Vous avez d'autres peut-être échanges ou questions, vu l'heure. Une question. Est-ce que vous avez, quand vous disiez que vous avez eu l'idée de chercher des financements et du matériau, est-ce que vous aviez commencé ça? Est-ce que vous aviez récolté des fonds? Qu'est-ce que vous en avez fait? Ah ben, c'est-à-dire les fonds, là, c'est-à-dire, c'était juste les débuts. On avait à ce moment-là récolté, je crois, quelque chose comme 10 000 ou 12 000 euros qui ont effectivement après servi à continuer un petit peu nos actions. D'accord. Donc dans cette optique. Mais bien sûr, après, on a tout stoppé parce que comme la mairie avait repris en charge... Parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que la mairie nous a écrit à un moment en disant « Attention, si vous entreprenez les travaux vous-même, c'était que s'il arrivait un accident dans le lieu que vous aurez donc, où vous aurez travaillé, eh ben, vous en serez totalement responsable. » Et ça aussi, ça nous a un petit peu freiné parce qu'on ne voulait pas aller au-delà. Parce que comme ici, c'est fréquenté par des enfants, par des vieux, etc. Le problème qui serait posé, c'est qu'un jour, tôt ou tard, il y aurait quelqu'un qui, disons, qui peut se casser un pied, une jambe, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, nous ne sommes pas assurés pour ça et nous ne sommes pas faits pour ça. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons bloqué donc, ce fonds en question, au cas où, si un jour, il y a quelque chose qui se présenterait de ce côté-là, bon, pourquoi ne pas réveiller ce qui est mis en sommeil? Ou alors, ça reste comme ça jusqu'au jour où ça sera décidé par l'association, qu'est-ce qu'ils font en faire. Voilà un petit peu le... Donc c'est la mairie qui a fait des travaux alors. Oui, ah oui, c'est elle. Parce que quand elle a vu qu'on avait commencé déjà à ramasser tout ça, et on avait fait donc une rencontre, on a invité un tas de personnes, un tas de personnages, etc. Et donc on a informé les gens que nous étions prêts donc à commencer à entreprendre donc tous ces travaux-là. Et c'est là où la mairie a été obligée de nous écrire en disant « Attention, si vous commencez, eh ben, vous risquez quand même quelque chose après. » Voilà un peu... Et ils ont pris immédiatement, mais quelques jours après, ils ont commencé les travaux ici. Quelques jours après? Oui. Ah oui, quelques jours après. C'est peut-être une semaine. Il y a des fois ils sont rapides. Ah oui, des fois une semaine. C'est exactement sur ces histoires-là. C'est-à-dire, depuis la Deuxième Guerre mondiale, rien n'est fait. Oui, c'est ça. Voilà. Ensuite, il y a les citoyens, enfin les gens qui demandent à ce que ça devienne place, que ce soit nettoyé. Là, il y a un projet tout d'un coup qui apparaît immédiatement et complètement construit. Il y a une consultation qui se fait en un mois pour éviter qu'il y en ait une. Ça ne marche pas parce qu'ils ne soupçonnent pas qu'il y a déjà... on peut mobiliser 200 personnes en 48 heures. Et ça, ce n'était pas du tout... voilà. Et du coup, après, pareil, aujourd'hui, c'est ne faites rien. Ce n'est pas de votre devoir et pouvoir en tant que citoyen. Ça relève de notre fonction de public, hein, de faire l'aménagement. Et puis, si on fait quelque chose, eh bien, là, ils peuvent aménager tout de suite, mais c'est toujours en force. Ouais. Voilà, c'est un peu... C'est quand même intéressant de savoir qu'une fois organisé, financé et sous menace d'auto-organisation, ils agissent 3 jours après. Oui, c'est super intéressant. Oui, mais c'est quand même... C'est des leviers. D'ailleurs, il y a encore mieux, c'est quelque chose que j'ai voulu un petit peu... sauter sur ça, je vous dis. Eh bien, je vous dis, c'est-à-dire que au moment où on était prêt, donc tout ça, on avait fait un rassemblement pour parler de ça. Je vous dis que 2 jours après, on a vu un camion de gravier avec du goudron, etc., arriver ici pour essayer de colmater un certain nombre de trous qui étaient ici. Vous alors, bien sûr, trous, hein, ah oui, ça, c'est pour vous dire un petit peu. Alors, on est revenu vers la mairie en disant non. Nous, ce n'est pas ce que nous voulons. Mmh. Ce n'est pas tout simplement colmater, parce que nous voulons une réhabilitation, une remise en état totale donc, de cette place. Et c'est comme ça que donc, on est arrivé donc, à... Oui. 10 ans, c'est ça? Oui, ça a duré 10 ans, bien sûr, c'est pour vous dire. 10 ans, ça, pour arriver voilà. À ça. Ouais. Ouais, est-ce que vous pouvez nous parler un peu sur le référendum? Oui. Comment ça s'est passé, les référendums, et comment l'idée elle est venue? Bah, l'idée, comment vous avez organisé le vote? C'est combien de personnes ont voté sur le référendum? Le vote, c'est-à-dire le référendum a été organisé bien sûr par la SOLEAM, sous l'égide d'un huissier bien sûr officiel, avec bien sûr des représentants de la mairie, les représentants de l'association des commerçants et du CIQ, et ça s'est passé ici. Voilà, dans cette place-là, ici, avec tout le monde, il y a eu donc des urnes, il y a eu une urne bien sûr, officielle, normale et tout. Et on a réuni ici environ 300 personnes, bien sûr, qui ont donc tous mis un bulletin donc, dans cette urne, bien sûr. Le dépouillement, il s'est fait donc à la Soleam, à la Canebière, dans leur bureau. Sur place. On a pris l'urne, bien sûr, tous ensemble. Bien sûr, elle n'est pas sortie des mains de 3 ou 4 personnes. Habitant. Tout le monde suivait. Ah oui, ah oui, oui. Bon. Parce qu'on connaît aussi absolument. La capacité de la mairie. On est descendu à pied jusqu'à la Canebière. On est rentré dans les bureaux, on a ouvert l'urne et puis on a dépouillé. Et c'est là où il y avait 80% quand même des gens pour la place. Et c'est comme ça donc qu'il y a eu donc officiellement. Malgré la fichage de belle. Quelle tête ils ont fait sur le immédiatement physiquement. C'est-à-dire ici c'est vrai. D'ailleurs c'est quand même embêtant de le dire. Même l'huissier qui était venu là, il était plus disons du côté de l'immeuble que du côté de la place. Mais de toute façon, quand les résultats, on a vu les résultats, bien sûr, on a vu quelques-uns pâlir. Ah ça, il n'y a pas à dire, ça se voyait sur la figure. Il y a une déception, en fin de compte. Bon, c'est tout à fait naturel. Mais je vous dis, du côté donc des habitants, côté commerçants, etc., c'était véritablement... les gens étaient heureux, parce qu'enfin, on va voir une place où un rayon du soleil peut passer, où on pourrait voir nos enfants quand même s'amuser un petit peu ici, où on voit quand même un touriste qui passe, voir quand même... une belle place comme celle-là, même si elle n'est pas formidable, mais elle est quand même mieux à regarder qu'un immeuble, peut-être que comme tout ce qu'on voit ici, en fin de compte, qu'est-ce que ça peut donner de plus? Voilà, c'est un peu ça. Alors, vous avez vu, on est intarissable sur l'histoire. Merci. Excusez-moi, mais je fais appel à tous les Marseillais ou les ceux qui ne sont pas de loin. Venez vendredi, le dernier vendredi, venez et racontez-nous vos histoires, s'il vous plaît. Elle faisait partie du PRI. Le quartier ici était en PRI en 1996. Oui. 95-96, et tout le quartier de Belzos est en PRI. C'est le premier PRI de Marseille. La place faisait partie du PRI ou pas? Oui. C'est juste pour information, PRI, hein, vous en faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est PRI? Un PRI, c'est un périmètre de rénovation immobilière. Voilà. Prioritaire qui, s'il est validé par le Conseil d'État, permet des opérations de... Des financements. Des financements particuliers, des obligations de réhabilitation, financées tant par la ville que par des financements de l'ANA. Mais malheureusement, c'est-à-dire s'il n'y avait pas cette action, moi je pense qu'aujourd'hui, comme on est, ça aurait été encore une place. Un immeuble ou autre. Non, voilà. Mais c'est de montrer que, avec un PRI, s'il n'y avait pas eu d'action, rien n'aurait été. Voire on aurait fait sur un quartier Malraux, puisque c'est ce que ça veut dire, hein, c'est un quartier Malraux ici, comme il y en a dans certaines grandes métropoles françaises, et sur un quartier Malraux, on aurait pu construire des immeubles. Oui. C'est le truc de... C'est-à-dire l'immeuble, pour nous, l'immeuble ici, c'était quand même un non-sens. C'était pourquoi? Un non-sens. Parce que c'est plein d'immeubles, on est compressé là-dedans, c'est vrai, on n'arrive même pas à respirer, etc. Et vous voulez qu'on rajoute encore... un immeuble. Ça, c'est la raison pour laquelle on l'a pris. Et puis en plus, le gros problème qui s'est posé, c'est que depuis 1944, quand il y a eu la bombe qui est tombée, personne n'a parlé d'immeuble, personne n'a parlé de quoi que ce soit. Le jour où on a parlé d'une place, et ben ce jour-là, il y a un immeuble qui sort. Ah, non, c'est pas possible. Voilà, c'est un peu tout ça. Et c'est l'argumentation que nous avons tenue à chaque fois. Comment on peut laisser un endroit comme celui-là pendant 40 ans, 50 ans, sans le regarder, sans le voir, etc. Le jour où on veut en faire quelque chose dans l'intérêt général, eh ben, il y a certaines personnes qui vous sortent un certain nombre de choses. C'est non. C'est un peu tout ça qui a, disons, ça a plaidé en notre faveur par rapport à toute l'argumentation que nous avons pu donc poser sur la table. Voilà, c'est un peu ça. Je vous invite voilà, à partir vers la plaine, d'accord, qui est une toute autre histoire, ah oui, hein, et voilà, d'une autre ampleur également, et qui est d'un autre contexte également, mais ça vous fait quand même toucher du doigt ce qui se passe dans Marseille, pour ceux qui ne sont pas d'ici. Et puis revenez voir Ali quand vous voulez. Ça va. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. C'est quand même une belle histoire. C'est quand même une belle histoire. Et puis, moi, j'espère que ça va servir pour dans d'autres quartiers qui vivent, voilà, pour essayer de se prendre en charge afin d'aller vers le mieux. Voilà, c'est un peu ça que. Voilà, et moi, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Et puis, moi, je vous souhaite encore une très belle tournée. Voilà, à la plaine et tout ça. Et puis moi, je vous dis tout simplement, j'espère à bientôt. Oui, si vous repassez ici, on sera toujours là. Voilà. Bien voilà. Eh bien, on voilà. viendra prendre un, boire un coup. Ah ben, on va faire des commandos féministes. Pour moi, l'essentiel, voilà, c'est que. On continue. Voilà, on continue. Voilà. Oui, c'est une très très belle histoire. Je vous dis à très bientôt. Ça résiste, voilà. Okay. Messieurs, dames, au revoir. Et merci. Voilà. Alors, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà. Au revoir. Merci. Alors à très bientôt. C'est-à-dire pour résister 10 ans. N'oublie pas. Non, je sais, il va mourir de froid. Je ne voudrais pas avoir ta mort. Parce qu'au départ, j'ai devenu vieux. Thank you.